voile, il repeint les murs de la capitale, se faisant toujours plus grisonnant, subissant les rigues du temps. Sans perdre un instant, le pinceau à la main, il sillonne gaiement les trottoirs parisiens. Paris aux couleurs de la vie, ton pinceau est magique dans cette banlieue grise. Utilisant son art pour effacer l'ennui, c'est l'ensemble de la ville qui d'un seul coup sourit. La pointe de son art était bien mal comprise par les autorités qui le chassaient toute la nuit. Mais où est donc le mal de donner une seconde vie à tous ces murs bien gris qui respirent le mépris? Sourire gai aux couleurs toujours ensoleillées.